Chapitre 27e, Medjouretchensk, la passion du Void, 24 septembre. Peu après 8 heures, Youssouf Imadedinov se trouva à la gorge sèche. Se palpant le cou, il perçut une douleur semblable à celle que provoque une angine. En fin de matinée, il se sentit fiévreux et se mit à tout sauter. Il fit appeler son médecin personnel, qui lui trouva tous les symptômes d'un grand rhume. Le Void, grand guide, avait passé beaucoup de temps dehors ces derniers jours pour visiter les campements, passer en revue les unités, admirer la célérité de la construction d'ouvrages défensifs. Il avait dû prendre froid. Le midi n'ayant pas grand appétit, il avala uniquement un petit plat de chouchvara, des raviolis garnis de carottes et de potirons. Comme la fièvre continuait à monter, on l'emmena en urgence à l'hôpital de campagne des djihadistes. Au milieu de l'après-midi, arriva Nourlan Charizov, encore jeune, pas très gros, chauve déjà, rasé avec soin. Le bras droit d'Imadedinov apportait le pli de Moscou. Le document émanait de la Maison-Blanche et ne ratifiait pas l'accord d'armistice. Le premier ministre russe, Dimitri Kozakov, rejetait certaines clauses de la charte. Le Void était au plus mal. Le numéro 2 du régime exigea de voir les analyses toxicologiques. Le président ne présentait aucun symptôme d'empoisonnement. Il était très faible quand il eut la missive qui signait son arrêt de mort. Lors du souper, il se mit à cracher du sang. 20 minutes plus tard, son décès fut constaté. Il était 21h11 en ce soir du 24 septembre. Ce que ne pouvaient pas savoir les médecins tokariens, c'était que le Tashkir Imadedinov avait été empoisonné la veille par le grand jovial et drondouillard chambellan Jafar Akamov avec un produit conçu à l'époque d'Andropov par un ingénieur du KGB en rupture de ban, le colonel Mavrikin, qui dirigeait le programme de guerre bactériologique. C'est dans son laboratoire de Kouchino, dans la banlieue de Moscou, qu'il avait créé un virus mutant baptisé Diefenbachia. À l'origine, il s'agissait d'une plante plus connue sous le vocable de canne des muets. C'est cette dénomination qui a suggéré au Volkodlak le nom de code de la phase 2 de leur plan de guerre contre l'islam radical d'Imadedinov. Elle était peu toxique, mais pouvait, en cas d'allergie, occasionner des œdèmes. Le savant eut l'idée d'isoler les cristaux en forme d'aiguille constitués d'oxalate de calcium que contenait la plante, de les raffiner et de les concentrer jusqu'à une dose mortelle. Pour administrer le produit, il choisit comme vecteur de propagation un rhinovirus qui se transmettait par contact et masquait le poison afin qu'aucun traitement ne puisse être prodigué. C'est en se dégantant et en serrant la main d'Imadedinov que le chambellan transmit le virus mortel au Void. Il faut 12 heures pour que le poison commence à produire les premiers effets sur la victime, lui avait dit la lieutenant-colonel Marina Pavlova. Le dessin intervient plus ou moins longuement en fonction de la résistance du sujet contaminé. Tel fut le scénario, imaginé par la séduisante brune et ténébreuse criminologue, que suivit scrupuleusement la veille Jafar Akamov pour assassiner Youssouf Imadedinov. Tout avait commencé, pour Akamov, dans l'avion qui le conduisait à Arsikouchi. À 13 heures, il se fit inoculer le Diefenbachia. À partir de ce moment-là, il avait un délai de 8 heures pour s'injecter l'antipoison. Au plus tard, à 21 heures, il devait se faire administrer une piqûre. Aux environs de 20 heures, s'acheva l'entretien avec Imadedinov. Ils se saluèrent à main nue. C'est par ce geste que Rakamov tua Imadedinov. La mission achevée, le chambellan se fit piquer et donc inoculer l'antidote par l'infirmier à la barbe rousse avant de prendre le Tupolev du retour. Le lendemain matin, vers 8 heures, soit 12 heures après l'infection, Imadedinov manifesta les tout premiers symptômes de l'empoisonnement. Le processus final était enclenché. À 21h11, ce soir du 24 septembre, le Void, le grand guide, était mort. Nourlan Charizov demanda à être seul auprès de la dépouille de son maître. Il ajusta son pince-nez d'or qu'il portait en lieu et place de classiques lunettes et observa le corps inerte. Ce jour, qui s'annonçait comme l'un des plus beaux de sa vie et de celle de son peuple, avait viré au drame en quelques heures. Il envoyait chercher le médecin-chef. Nourlan Charizov, désignant d'un geste de la tête le cadavre encore chaud du Void, étendu sur son lit de mort. De quoi est-il décédé? Le docteur. Une crise cardiaque liée à un œdème pulmonaire foudroyant. Charizov, vous avez fait toutes les analyses? La mort est-elle vraiment naturelle? Le docteur. Je vous réponds oui à 100%. Nous avons même un scanner spécial ici qui nous permet de vérifier les traumas ou les piqûres. Il n'y a absolument rien. Dans son bol alimentaire non plus. Il n'a pas été empoisonné, si c'est cela la question. D'aucune façon. Charizov, qui sait que le Tashkir est mort? Le docteur, hésitant à répondre. les deux infirmiers qui se sont occupés de lui. Charizov, qui d'autre? Le docteur, le médecin légiste, que j'ai dû mettre dans la confidence pour répondre à vos interrogations, et moi. Charizov, vous n'en avez parlé à personne. Le docteur, non. Charizov, et les gardiens savent-ils quelque chose? Le docteur, non. Ils n'ont pas quitté un instant le périmètre que vous aviez fait surveiller, et comme ils étaient au secret, ils n'ont contacté personne de l'extérieur. Charizov, bien. Il jette à nouveau un regard sur le corps étendu de son chef. Je veux que vous alliez dans votre bureau et que vous me signiez 3 ordres de mission pour les 2 blouses blanches et le légiste. Ils partent pour le nord de l'oblast. Il y a des frictions sur la ligne de front près d'Ourga. Nous avons besoin de personnel soignant. Le docteur, mais que va-t-il leur arriver? Charizov, regardant le médecin droit dans les yeux. Docteur, c'est une mauvaise question. La bonne question que vous devriez me poser, c'est « Que va-t-il m'arriver à moi ?» Le docteur, devenant aussi blême que le void, allongé au milieu de la pièce, « Je n'osais pas vous le demander. » Charizov, « La réponse est « Rien. » Le président est très faible, mais ses jours ne sont pas en danger. Il va être rapatrié sur Arsikouchi. Et s'il décède, il décédera là-bas. Nous sommes à moins de 3 jours de la victoire et de la fin du conflit. Notre chef est plus que jamais indispensable. Me suis-je bien fait comprendre? Le docteur. Oui, mon colonel. Je vais aller tout de suite vous préparer les papiers de transfert. Me permettez-vous une suggestion? Charizov. Dites. Le docteur. Je pense que, plutôt que le front, on ne se bat plus vraiment, mes 3 collègues pourraient avoir l'honneur d'accompagner la dépouille de notre guide à Arsikouchi. Ils resteront ensuite sur place. J'ai suffisamment de personnel ici. De plus, cela inquiétera moins les membres de l'équipage. Apprendre qu'à n'importe quel moment ils peuvent être envoyés en zone de combat risque de les démobiliser. Charizov réfléchit un instant et convainc que c'était une excellente idée. Une heure après, une ambulance militaire gardée par les troupes de la garde présidentielle quittait Medjouretchensk. Elle fit route en emportant le président défunt vers Arsikouchi, la capitale du Tokaristan. À minuit passé, après s'être isolé dans un bureau mobile, le colonel Nourlan Charizov retourna au bunker de commandement. Il indiqua aux officiers de garde qu'il superviserait l'ensemble des opérations durant l'absence du Tashkir. Il leur présenta un papier en tête de la présidence, signé de Yusup Imadedinov. Le document attestait qu'il était nommé, avec effet immédiat, général et chef d'état-major des forces armées du Tokaristan septentrional. Il convoqua, en plein milieu de la nuit, le colonel Smalj Suljevitch, qui dirigeait la prestigieuse division bosniaque Rančar, pour le désigner comme son second. En s'asseyant dans le fauteuil de commandement de la passerelle du bunker de Medjouretchensk le jour de l'Aïd el-Kébir, il interpréta cela comme un signe du destin. Il se sentit appelé pour une grande tâche. Il n'allait pas être déçu de la tâche indélébile qu'il allait laisser.